Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Les Saguenay de Chicoutimi ont perdu hier par la marque de 5 à 3 dans le premier match en Abitibi. Ils ont perdu contre les Foreurs de Val-d'Or. À noter que Nicolas Roy a été le meilleur joueur des Sags avec un but, une passe. Il y a Ryan Verbeek qui a marqué également un but et amassé une passe. Et le dernier but a été marqué par Jake Smith. Ce soir, les Saguenay vont affronter les Huskies Arouin-Noranda et Gilles Bouchard. Une année quand même positive cette année au club de golf de Saint-Prime, c'est du moins ce qu'a fait le constat le président Rémi Curtness. Interrogé hier par danradiosport.com, Rémi Curtness a mentionné qu'on se dirige vers un équilibre budgétaire. De juin et juillet assez vulnérable sur le plan, oui, au niveau de la température, mais mois d'août et septembre a été très bon. Nous, on devrait atteindre l'équilibre budgétaire si... oui, si on a les revenus là qu'on anticipait au niveau de la contribution de la municipalité de Saint-Prime, ce dossier-là n'est pas encore réglé. Alors, si on a ce montant-là, on devrait atteindre l'équilibre budgétaire. Sinon, on fait tous les efforts là pour cheminer vers cet équilibre budgétaire-là. Au niveau financier, c'est ça. Au niveau du golf, on a connu, je dirais, une saison encore exceptionnelle parce que on a eu beaucoup d'événements, beaucoup de tournois sociaux. On a encore eu le méga week-end golf. On a malheureusement encore plafonné cette année à peu près 140 membres. Mais c'est une réalité dans tous les clubs de golf. Donc, dans l'ensemble, on est satisfait, mais il y a encore mieux à faire. OK. On sait que pour se renflouer et éliminer leurs difficultés financières, le club de golf de Saint-Prime a décidé de vendre des terrains l'an passé. Et jusqu'à maintenant, il y a quand même plusieurs terrains qui ont trouvé preneur. Par contre, il en reste, explique Rémi Curtness. 10 de vendus. OK. On les avait tous vendus, comme je t'avais déjà dit précédemment. Le problème, c'est que quand les acheteurs potentiels ont vu les clauses relatives à la revente de terrain, là. Clauses qu'on avait avec la municipalité et avec Rio Tinto, puis il a fallu respecter ces ententes-là, puis on est bien conscients, puis fallait les respecter. Alors, ça a fait revirer quelques spéculateurs, que je dirais. Okay. Alors, au moment où on se parle, on a 10 terrains sur 18 de vendus. Et dès les travaux d'infrastructure, parce que j'ai appris ce matin de la municipalité que la municipalité entretenait le chemin d'hiver, tout l'hiver, c'est-à-dire elle ouvrait le chemin. Donc, les gens vont pouvoir aller voir en hiver qu'est-ce que ça représente. Puis nous, dès la semaine prochaine en conseil d'administration, puis dans les prochaines semaines, là, avant la fin de l'année financière, on veut s'ordonner un plan de match et une stratégie pour vendre le reste des terrains. On veut développer davantage de tournois de groupes sociaux et également travailler sur le membership, explique le président. Travail. Là où on devrait se concentrer, nous, c'est sur le membership et les juniors. On a fait un immense travail au cours des deux dernières années pour les juniors. L'année passée, on avait... Je me rappelle bien 52, on avait 67 cette année, je pense, dont 14 dans l'élite. On s'apprête à recevoir aussi le championnat junior québécois. Ça, c'est 2018, hein? C'est ça, mais c'est un an de préparation d'avance. Ouais. Après ça, là, on est en train de corriger le parcours. Il va être rendu à 6780 verges pour les jalons noirs. Okay. Puis, on veut aussi augmenter le nombre de tournois sociaux et de locations de salles pour des rencontres, là, des parties, des mariages, ces activités-là. OK. En terminant, Rémi Curtness a confirmé qu'il ne sera pas de retour à la présidence du club l'an prochain. Et on va parler de patinage de vitesse sur courte piste. Marie-Ève Drolet, qui a 34 ans et qui a eu une petite fille au cours des dernières années, a réussi à se tailler une place sur l'équipe canadienne. Et en entrevue hier à danradiosport.com, Marie-Ève Drolet a mentionné qu'elle n'était pas surprise du fait qu'elle a connu un très, très bon été d'entraînement. Mais avec raison, mais t'es-tu quand même surprise que tu t'es qualifié sur l'équipe canadienne? Ou vraiment... Je suis pas surprise parce qu'au niveau de l'entraînement, ça allait tellement bien. Okay. Je me sentais tellement forte et confiante que je voyais comment que j'étais bien sur la glace, que ma technique s'améliore encore, que je fais des beaux tours assez vite, que mon endurance s'en venait de mieux en mieux. Donc, je m'améliore encore, donc je vais encore faire confiance là. OK. Mais c'est sûr que si je me vois en tant que maman, puis si je, quand je me voyais quand j'étais enceinte, je me disais ouais, tu sais, ça va être difficile à réaliser, mais je pense que je suis capable. Puis là, mais je suis contente que ça soit fait. Et dans un deuxième temps, Marie-Ève Drolet mentionne que va y aller une année à la fois. Et si ça va bien à son entraînement et si ça va bien du côté de sa petite famille, il n'est pas impossible qu'elle participe aux Olympiques en 2018 en Corée du Sud. Ouais, ben c'est ça. À la base, j'étais dit une année à la fois, je vais voir comment ça va. C'était difficile à planifier tout, comment que ça allait aller. Puis là, ben si ça continue à bien aller comme ça, c'est sûr que je m'en vais jusqu'au jeu. Puis après ça, ben je prendrai ma retraite pour de bon, là. OK. Comment tu te vois au sein de l'équipe canadienne? Parce que je sais que Marianne... Terminant, je vous parle de la Coupe Banque nationale qui sera présentée la semaine prochaine à Ville-Saguenay. Plusieurs joueuses de tennis ont déjà évolué à Ville-Saguenay. Des joueuses de tennis de renom telles Angelica Gerba et Madison Keay. Et cette année, ben Françoise Abanda et Alexandra Wozniak ont déjà confirmé leur présence au Challenge Banque nationale. La semaine prochaine, on devrait parler à Caroline Delisle et on devrait parler également à Alexandra Wozniak. Le sport local et régional, à danradosport.com, on s'en occupe.